Chapitre 11. Les révélations de Madame Aubran. Elles furent courtes, ces révélations, mais elles projetèrent une lumière si intense sur cette sombre affaire que Lautrec en fut ébloui. « Mon mari, commença Madame Aubran, est négociant en dentelle, négociant en gros. Au début de notre mariage, son commerce prospéra. Puis nous eûmes de la malchance, une malchance infernale. Nous avions un train de vie fort onéreux à Paris. Pour les yeux du monde, il fallait le garder. Là est la cause de tous nos déboires, une sotte vanité. Mon mari fit des faux en écriture et se fit acculer à la faillite et menacer de déshonneur. Ici encore, notre sotte vanité entra en jeu. Le sang rachète l'honneur, dit le proverbe stupide. Mon mari, affolé, décida de se donner la mort. Il retardait l'heure fatale, l'heure du suicide, depuis plusieurs mois déjà. Nous avions un ami intime, un médecin, à qui nous avions confié notre désespoir et qui nous avait aidés déjà dans maintes circonstances. C'est sur ses conseils que mon mari retardait l'échéance fatale de sa mort. Mais ce n'était plus qu'une question de temps. C'est sur ces entrefaites qu'un jour, notre ami, le médecin, vint nous trouver. Il nous apprit qu'il avait soigné un homme qui ressemblait à mon époux d'une telle façon que lui, le docteur qui l'avait ausculté, n'avait relevé chez son malade aucun trait, aucun signe qui le différenciât de mon mari. Cet homme, qui était un faux cul de jatte et vivait en exploitant la charité publique, venait de mourir. Le médecin nous proposa de substituer ce malheureux à mon mari. Celui-ci avait pris une assurance sur la vie. Il lui suffisait de se cacher. Je touchais, à son décès, une somme qui nous eût permis de vivre, ignorée, loin du monde. Nous achetâmes le silence de la veuve du faux cul de jatte. Une nuit, le médecin, mon mari, et un ouvrier qui nous est dévoué, allèrent en automobile chercher le cadavre. Ils revêtirent des habillements de mon mari et ils le jetèrent dans la Seine afin de faire croire à une mort accidentelle. Dans notre précipitation, nous avions donné un costume usagé qui ne contenait aucune pièce d'identité. J'étais restée à Paris, mon mari se cachait ici. Deux jours après, on découvrait le cadavre du noyé. J'appris qu'il n'avait pas été identifié et je me rendis à la morgue. Mais là, on me déclara que le noyé avait déjà été reconnu par 5 femmes. Tout cela était compromettant, j'hésitais et je partis sans faire de déclaration. Je vins retrouver ici mon mari en attendant les événements. Nous croyions en être quittes ainsi lorsque nous apprîmes les crimes mystérieux dont vous nous parliez tantôt. Un journal avait donné le signalement du meurtrier. Effrayé, mon mari décida de se cacher. Il ne sortait pas d'ici et nous supposions ce refuge sûr lorsque vous êtes venu. C'est tout ce que j'ai à vous dire, monsieur. Mon récit est l'expression fidèle de la vérité. » Un doute subsistait dans l'esprit du détective. Le comte de Rivat avait-il un rapport quelconque avec Pascal Aubran? Par principe, Lautrec était méfiant et il se demandait si le comte ne portait point un masque qui eût pu, dans la pénombre, dissimuler le visage d'Aubran. Il lui fallait une certitude. « Que faisiez-vous » demanda-t-il à Aubran, « le 13 novembre à 18h du soir ?» C'était l'heure à laquelle le comte de Rivat tirait sur le détective. « Je me souviens, la date est du reste récente. Je dînais précisément avec ma femme. C'était samedi dernier, le nettoyage hebdomadaire avait retardé l'heure du repas. Qui peut attester la vérité de vos dires ? Ma femme est notre cuisinière. » La cuisinière témoigna de la présence de M. Aubran chez lui le samedi 13 septembre à 8h du soir. En homme méticuleux, Lautrec pria à M. Aubran de lui fournir ses empreintes digitales. Il les compara à celles du cadavre disparu et constata qu'elles étaient dissemblables. Un nouveau mystère était éclairci. Restait à pénétrer celui qui enveloppait l'étrange personnalité du comte de Rivat.